reste qu'une, que je vais aspirer comme si j'en avais plus qu'une. Nous avions rendez-vous sous la lune. Et ça fait pas moins d'une heure que défilent les heures. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses oublier. Nous avions rendez-vous sous la lune. Je t'attends comme un con sous la lune. Rendez-vous sous la lune.